boussole, la boussole, boussole. J'emmerde son manque de discrétion quand la galère me prend en filature. Un viado paumé, à part mon blaze, j'ai même pas de signature. 24 années, toujours aucune idée d'où je suis censé aller. A trop maté mes pieds, j'ai pris le bitume pour un ciel étoilé. Désargenté, constamment sur la paille, comme un tapeur de cesse, trop décalé. Va sortir que la maille suffise pour que ma peur ne cesse. J'apporte un cesse, mélange de trip et d'un quotidien gris. Rien d'autre à faire, la feuille me tire les vers, le micro me tire un cri. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à tes champs. Le rap m'a pris au corps et depuis lors, le butage est chant. Indécent, je vois les choses tracassées pour des petits détails incandescents. Je sors la fête, tous les types d'étals, on pédale dans la semoule de blé, coincé dans un de blé. Faut que je déblaye, donc pour poser, j'attends pas de style de blé. Paraît que le style de blé, écoute la patte à tes mes replays. Pour étaler mon cœur, j'attendrai sûrement pas que les rimes paient. Tu penses avoir le choix, mais quelles sont tes priorités? T'as pas été, t'as pas été. J'ai porté ma croix, je récompense mes charités. T'as pas été, t'as pas été. T'as pas été, t'as pas été. T'as pas été, t'as pas été. T'as pas idée, t'as pas idée. T'as pas idée, t'as pas idée. Le destin une drôle de casse, je veux plus en entendre parler. Glace comme un hall de gare, façon la vie finit pareil. Pas d'affinité avec toi car obsédé par le paraître. Pas les couilles d'éternité, jamais vu de ses ravins apparaître. Ma mère à genoux, ça oui, attendant un signe du très haut. Vos histoires de paradis, sorry, ma bible c'est les contes de Perrault. Portant la guigne, la parraine, une mère louvre, ouais, je suis pareil. Ma reine c'est ma gamine, personne mais indispensable à part elle. Pas d'autre choix qu'appareiller, quitte à côtoyer le grotesque. J'ai la boule à la ceinture, la vierge d'un évadé de capax. Ce n'est qu'une question de contexte, on sent que je suis le genre de raclure. Personne n'écoute mes textes, Osef, je suis l'abri de la censure. Ils parlent tous d'ascenseur, des hauts débats. Bah ouais, ça varie. On va de l'avant, garde le cap, quitte à risquer l'avarie. Joue ton orgue de barbarie, sous haut débit, se tarbali. Je suis différent, un mélange entre OTP et Tabarly. Tu penses avoir le choix, mais quelles sont tes priorités? T'as pas été, t'as pas été. J'ai porté ma croix, je récompense mes charités. T'as pas été, t'as pas été. T'as pas été, t'as pas été. T'as pas été, t'as pas été. T'as pas été, t'as pas été. T'as pas été, t'as pas été. Bâtisseur de ma vie, j'suis seul à tenir la truelle. Quand le destin est cruel, mon quotidien s'éloigne du rêve. Chaque jour je me lève et Dieu merci je vois mes filles. J'suis pas un père qui se défile, leur bonheur c'est mon défi. Mon égo si kéfie dès que je les tiens dans mes bras. Moi j'ai jamais qu'est bras, c'est pas le son à celui ses fils. Souvent je me fais des films mais c'est pas des comédies. Et je crois pas qu'on m'ait dit comment fonder une famille. Pourtant je l'ai fait, je dois beaucoup à ma femme. Moi dans ma vie je m'affale et y'a qu'elle qui me fait de l'effet. Fort parmi les faibles, je me fous de vos jugements. J'ai joué la bonne jument et je l'aime pas que pour ses fesses. En vrai l'ego s'efface quand t'es en paix avec toi-même. Sinon comment faire face à tout ce que la vie t'amène? Et puis quoi qu'on y fasse, on se retrouve à cogiter. Dans nos vies agitées, chacun veut sa normalité. Arcadia.